La saga des Nibelungen dans les Eddas et dans le Nord scandinave, par Émile de Lavelay, lu par Armen pour audiocité.net. Introduction. La formation des épopées nationales et les origines du Nibelungenlied. On peut consulter sur la question que nous traitons ici les ouvrages suivants. K. Lachmann, Anmerkungen zu den Nibelungen und zur Klage. Wilhelm Grimm, Die deutsche Heldensage. A. Ratzmann, Die deutsche Heldensage und ihre Heimat, 1857-1859. K. Mullenhof, Zur Geschichte der Nibelungen Nord, 1854. Holzmann, Untersuchungen über das Nibelungenlied, 1854. Et Kampf um der Nibelungen hort gegen Lachmanns Nachträder, 1855. Max Rieger, Zur Kritik der Nibelungen, 1855. La question des origines de l'épopée germanique a donné lieu en Allemagne à des débats aussi instructifs et plus prolongés que celle des origines de l'épopée grecque. Certes, le poème des Nibelungen est loin de la perfection littéraire de l'Iliade, et il n'offre point, par conséquent, un intérêt aussi général que la poésie homérique. Mais, ne remontant pas à une antiquité aussi reculée, il permet mieux l'étude de la manière dont il a été composé et des sources dont il est sorti. Or, comme cette étude, déjà intéressante en elle-même, jette en outre une vive lumière sur un problème de la plus haute importance pour l'histoire de la littérature et même pour celle de l'esprit humain, à savoir le mode de formation de l'épopée, il ne faut pas nous étonner si ce débat, continué depuis plus d'un demi-siècle, n'a pas encore lassé l'attention du public d'outre-Rhin. Chaque année paraissent sur ce sujet de nouveaux travaux plus ou moins remarquables. Chaque année, d'infatigables champions descendent dans la lice et se livrent à de nouvelles joutes scientifiques. Déjà, deux générations de savants se sont succédées dans ces luttes persévérantes de l'érudition, dont l'acharnement rappelle vaguement à l'esprit les combats des héros grecs et troyens se disputant le corps de Patrocle ou ceux des Burgondes et des Amelungen sur le cadavre du margrave Rudiger. Ce sont d'abord Zöhne, von der Hagen, Zimrock, Mone, Lange, les illustres frères Grimm, Karl Lachmann, A. von Schlegel, P. C. Müller et bien d'autres encore. Puis von Spaun, Schönhut, L. Braunfels, A. Ratzmann, S. Edmüller, H. Fischer, Wilhelm Müller, Holzmann, Mühlenhof, Max Rieger, R. von Lilienkron, Zahnke, etc. Les uns s'attachant à confronter les manuscrits, à fixer le texte, à expliquer les passages obscurs. Les autres, scrutant les origines, cherchant à découvrir le nom de l'auteur, à déterminer le pays où est née la tradition épique et l'évolution qu'elle a accomplie. On ferait une bibliothèque en réunissant les différentes éditions du Nibelungenlied et les commentaires, les recherches, les dissertations qui ont paru au sujet de ce poème, soit dans les ouvrages spéciaux, soit dans des recueils périodiques. La première publication d'un fragment des Nibelungen remonte déjà à plus de 100 ans. Mais, habitué à réserver toute son admiration pour la littérature française et pour celle de l'Antiquité, l'Allemagne du XVIIIe siècle n'était point préparée à apprécier ce monument de l'antique génie de la race germanique, dont la grandeur sauvage et les beautés incultes faisaient un si grand contraste avec les chefs-d'œuvre de Rome et de la Grèce. Aussi ne comprit-on pas d'abord toute l'importance de cette composition qui différait tant de celle qu'avait consacrée le goût classique. C'est seulement depuis le soulèvement de l'esprit national contre la suprématie de Napoléon que la faveur du public s'est attachée à cette œuvre des anciens âges qui avait, aux yeux des bons patriotes, le mérite de peindre avec une grande vigueur les mœurs guerrières et héroïques des vainqueurs de l'Empire romain. Mais à partir de ce moment, il n'est pas d'honneur qui ait manqué au Nibelungen Note. Ce poème est devenu l'objet de la vénération de l'Allemagne qui le considère comme l'Iliade des fils de Teutsch. À tous les degrés de l'enseignement, il est mis aux mains des élèves qui l'étudient et en apprennent par cœur les passages les plus remarquables. Des professeurs l'expliquent et le commentent dans les chaires des universités. L'art, à son tour, s'est inspiré de ses principaux épisodes et en a orné le palais des souverains. Les savants les plus renommés lui ont consacré leur veille. Il a pénétré dans la chaumière des paysans comme dans la demeure des grands, et de même que les chants héroïques qui célébraient la mort de Siegfried ou la vengeance de Kriemhild résonnaient jadis partout où l'on parlait l'un des dialectes du vieil idiome germanique. Ainsi, de nos jours, le Nibelungen Note est devenu le patrimoine littéraire commun de tous les peuples qui constituent l'Allemagne moderne. Ce poème occupe donc une si grande place dans la littérature allemande qu'il est d'un intérêt réel, même à l'étranger, de se rendre compte des travaux récents auxquels il a donné lieu. Le débat sur les origines du Nibelungen Note n'est certes pas épuisé, mais il est du moins assez avancé pour que le public puisse se former une opinion sur ce sujet. Quand une question est bien posée, que tous les éléments en sont connus et qu'ils ont été, pendant un temps assez long, l'objet des études approfondies d'un certain nombre de bons esprits, on peut dire que, dans l'état actuel de la science, la cause est instruite. Alors, il reste encore en présence deux ou trois systèmes qui se rattachent aux grandes vues philosophiques sur les lois qui régissent le développement de l'esprit humain et la marche de l'histoire. Mais du moins, ces différents systèmes sont présentés d'une manière assez nette pour qu'il soit possible de les exposer clairement et de les juger. Pour donner à notre travail un point de départ solide et pour asseoir notre jugement sur une base sûre, nous serons obligés de jeter un coup d'œil général sur la nature et la formation de l'épopée. À son tour, l'étude des origines du Nibelungen Note servira à compléter cette théorie, restée nécessairement assez vague, aussi longtemps qu'on avait borné les recherches dans le cercle des compositions homériques. Wolff avait ouvert la voie de ce genre d'investigation, on sait avec quel éclat. Des esprits distingués l'y avaient suivi, soit pour soutenir ses vues, soit pour les combattre, mais toute leur pénétration ne pouvait suppléer au défaut de documents historiques. Quoi qu'on fît, on était réduit aux éléments de preuve tirés des poèmes mêmes et à quelques rares indications empruntées aux sources extrinsèques. Il était donc bien difficile d'arriver, dans une question ainsi limitée, à des conclusions décisives. Heureusement, la connaissance et l'examen plus approfondi des origines des épopées nationales de l'Inde, de la Perse, du Moyen-Âge et de l'Allemagne primitive ont répandu un jour nouveau sur cet intéressant problème de littérature comparée. Or, de toutes ces études, aucune ne donne des résultats aussi importants que celle de l'épopée germanique. Ici, en effet, non seulement on possède un poème achevé, le Nibelungen Note, mais de plus on peut suivre la marche de la tradition épique pendant plus de 1000 ans, depuis l'instant où elle nous apparaît sous forme de chant lyrique, jusqu'à l'époque où elle se dissout en conte populaire qui continue d'être transmis d'âge en âge par la mémoire naïve des populations rurales. On peut reconnaître, tant par les indications de l'histoire que par les monuments littéraires, les diverses transformations qu'elle a subies. On peut la voir naître très probablement avant les grandes invasions, se développer en même temps que le génie de la race germanique, se confondre avec ses croyances religieuses, puis émigrer vers le nord, se répandre dans tous les pays scandinaves et enfin s'effacer peu à peu devant l'influence croissante du christianisme, mais néanmoins survivre encore jusqu'à nos jours dans les champs de Sigurd des îles Faroé. L'étude des origines du Nibelungenlied, faite d'après les travaux les plus accrédités de la science allemande, peut donc offrir, outre l'intérêt qui lui est propre, un intérêt plus général, car elle permet, comme nous l'avons dit, de contrôler l'histoire de la formation de la poésie épique, dont nous commencerons par dire quelques mots.